Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Bien, je dirais d'abord, pour l'avoir bien connu vraiment, que c'était un homme politique d'une envergure et de l'intelligence exceptionnelle. Cette semaine, meurtre à Stockholm. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un complot. Ce crime n'a été perpétré que par une seule personne. La mort d'Olof Palme. La mort a été reçue comme un choc par les Suédois. Personne ne soupçonnait que semblable attentat pouvait survenir, surtout ici. Après 21 mois d'enquête sur l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, la police suédoise décide de frapper un grand coup et d'offrir une récompense des plus alléchantes pour retrouver le ou les responsables de ce meurtre. Les enquêteurs s'en tiennent à la même théorie depuis 15 ans. Nous l'avons évoqué hier, la société suédoise de la seconde moitié du XXe siècle s'est rapidement installée aux yeux de la scène internationale comme modèle. On citait en exemple ce modèle de démocratie, d'équilibre, de bien-être, mais en même temps son sens de la liberté des mœurs, sa grande acuité pédagogique, etc., etc. Bref, un monde idyllique, quasi sans faille, pour ce pays revendiquant clairement sa neutralité, affirmant sa position de magistère sur la scène internationale. Le pays était à l'image de son acier, de ses voitures, de son outillage, inoxydable, résistant à toutes les températures, même les plus basses, garantie à vie, ou peu s'en faut. Il faut toujours manier les modèles avec maintes précautions. Quelques signes d'étouffement et de sclérose de ce pays nous étaient parvenus par l'intermédiaire d'un cinéaste comme Ingmar Bergman, mais ces signes provenaient-ils d'un monomaniaque, d'un artiste à la marge de la société qui avait pratiqué l'auto-exclusion? Impossible à dire. En tout cas, Bergman a fortement raconté dans son style et dans ses images l'incroyable pesanteur de la société suédoise, son collectivisme absolu qui absorbe et noie l'individu. D'autres artistes écrivains manifesteront dans son sillage le même pessimisme vis-à-vis de cette vitrine trop lisse. Au centre de cette société, le socialisme à la suédoise est lui-même pétri de toutes les vertus. Un homme va en être de nombreuses années l'incarnation absolue, Olof Palme. Chapitre 1. Le socialisme suédois. What is it? Sapiens s'est divisé en multiples catégories. Il y a ceux qui croient et revendiquent le bonheur individuel par le biais de canaux strictement individuels et ceux qui croient et aspirent au bonheur collectif. Ces derniers se sont divisés au cours du siècle passé en maintes sous-catégories. Des plus rigides, le bonheur collectif obtenu par la dictature du plus grand nombre de porteurs de blutschow, au plus souple, le bonheur collectif comme addition des bonheurs individuels, le beurre, l'argent du beurre et le reste qui va avec. En passant par le milieu, le bonheur collectif comme objectif à venir mais qui ne fait pas table rase du passé. Ces derniers ont une obsession, le développement social. À ce titre, voici un texte d'Olof Palme qui nous indique son point de vue sur ce sujet. Au cœur de nos efforts pour développer la société de nos rêves pour le futur, nous devons garder à l'esprit ce qui revient continuellement, les invariables en toute existence humaine, qui demeurent significatives dans toutes les cultures et à toutes les époques. Ce qui unit tous les humains, ce sont les grandes perspectives de la vie, qui sont les mêmes pour tous, dans tous les pays, et qui continueront de l'être dans le futur. Tout au long de notre humaine existence, nous rencontrons tous les mêmes situations. Grandir et recevoir une éducation. Avoir des collègues, des amis, des camarades. Bénéficier au temps de notre jeunesse d'une formation qui prépare aux divers rôles de notre vie adulte. Trouver un lieu où habiter et en faire notre chez-nous. Fonder une famille, avoir et éduquer nos enfants. Demeurer en santé toute notre vie et faire face à la maladie et aux autres revers qui peuvent nous frapper. Avoir un niveau de vie décent et préserver notre dignité humaine au cœur de l'inévitable fragilité du grand âge. Vivre en citoyen libre, en toute légalité avec les autres membres de la société et assumer ses responsabilités au service du bien commun. Pour en connaître un peu plus sur l'auteur de ces quelques lignes, allons faire un tour du côté du système politique suédois et pour cela, transportons-nous à la fin des années 20. Chapitre 2. Enfance, adolescence et la suite, tant qu'on y est. Ce qui caractérise sans doute le plus cet homme né le 30 janvier 1927, c'est l'indépendance. Issu d'une famille très aisée, Olof Palme n'a guère attendu pour faire les choix qui seront les siens. Les égarements de jeunesse ne sont pas de son ressort. Sa famille a choisi la social-démocratie depuis la fin des années 30. Ses fréquents séjours chez ses grands-parents maternels, des aristocrates demeurant à Riga, en Lettonie, dans une zone alors prise en tenaille entre le nazisme et le communisme, font de lui un polyglotte qui parle depuis l'enfance, outre le suédois, le russe, l'allemand, l'anglais et le français. Et c'est en plus un voyageur effréné. Avec cette curiosité permanente pour l'ailleurs, Olof Palme va nourrir son caractère vif, spontané, et son charisme ne tardera guère à s'imposer. Un surnom lui est bien vite donné pour le meilleur, mais aussi sans doute pour le pire. On l'appelle le Kennedy suédois. Mêmes origines, même charisme, mais également même destin tragique. Dès 1945, il participe à la vie publique suédoise. Il a 18 ans, il aide au transport à Göteborg des réfugiés du camp de Bergen-Belsen en Allemagne. Entré dans la vie politique comme secrétaire de Tage Erlander, premier ministre à l'époque, et père de la social-démocratie suédoise, il en devient vite son fils spirituel. En 1968, Olof Palme n'hésite pas, alors qu'il est ministre de l'Éducation, à manifester dans la rue contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, contre les bombardements à Hanoï. Sa photo, à côté de l'ambassadeur du Nord-Vietnam, est publiée dans les journaux du monde entier. Washington n'apprécie pas et rappelle très vite son ambassadeur à Stockholm. Tage Erlander, le père de la social-démocratie suédoise, prend sa retraite. Un seul homme peut dès lors prendre les rênes du parti, c'est Olof Palme. Peu après, pour la première fois, il prend la tête du gouvernement. Two, one, two, three, four. Enregistré live avec des potes, cette chanson de Lennon exprime bien le désir de paix vers la fin des années 60 et début 70. Plastic Ono Band, Give Peace a Chance. Give me the chance. Oh, we are saved. Chapitre 3. Grandes idées, petits mots et habiles manœuvres. En 1971, au rang des bonnes résolutions du passage de la nouvelle année, on constate que la Suède, cette année-là, décide de faire des économies. Fini les dépenses somptuaires et les représentations pléthoriques. Le pays, qui disposait depuis le début du siècle de deux chambres, passe à une et une seule. Le Parlement n'a plus qu'une chambre. On y gagnera certainement en loyer et peut-être aussi en efficacité. Olof Palme a alors 42 ans. Sous son influence, la Suède accentue sa politique dite de neutralité active, impliquant une participation positive aux affaires internationales. L'obsession d'Olof Palme, c'est que sa politique ne soit jamais guidée par les capitales étrangères. Le Kennedy à la suédoise devient bien vite une figure incontournable sur la scène internationale. Paix, justice sociale, solidarité humaine, sécurité, il rabâche les mêmes mots avec l'obstination de celui qui ne lâchera pas. Mais c'est chez lui que Olof Palme a le plus de mal à se faire entendre. Olof Palme, à la tête de son gouvernement social-démocrate, est en effet loin de faire l'unanimité en Suède. Rompu aux exercices de la politique, il sait que des alliances subtiles, entretenues avec le parti le plus à gauche du pays, les communistes, peuvent le maintenir à flot, même sans majorité propre. Cela tangue ainsi jusqu'en 1976. Et là, les trois partis d'opposition, le parti modéré, le parti libéral et le parti du centre, admirez combien tout extrémisme est discrètement tenu à l'écart de la représentativité politique suédoise. Bref, les trois partis adverses obtiennent la majorité. Exit Olof Palme, qui va prendre place dans les rangs de l'opposition, mais pas pour très longtemps. Le temps que les partis libéraux se prennent les pieds dans le tapis avec respectivement le nucléaire, la politique fiscale, un sens aigu de la crise entre les partis, plus un certain nombre de réformes qui finissent en autre boudin, et revoilà Olof Palme. Entre-temps, le bonhomme n'est pas resté au chômage, puisqu'il a notamment été mandaté peu avant pour participer à un effort de médiation au beau milieu de la poudrière Iran-Irak. Nous l'écoutons dans une interview donnée à ce sujet à Mireille Lemaresquier et admirer ce qu'un homme rompu à la politique est capable de ne pas dire quand il a décidé que ce n'était pas le moment. C'est le secrétaire général de l'ONU qui nous a chargés avec cette mission. Et le but est simplement d'investiguer les possibilités de la paix. Ce n'est pas une médiation, pas une négociation. Il faut d'abord y aller pour rencontrer les partis, écouter, étudier et clarifier les positions exactes des partis. Et pour cela, nous visiterons d'abord l'Iran et après l'Irak. Et après ça, nous retournerons probablement à Genève. Une petite chose qui paraît insignifiante, mais qui, bien sûr, comme toute chose insignifiante en politique, est souvent de la plus haute importance. L'idéal est de n'en rien montrer sans pour autant passer à côté. Écoutons la suite. Alors pourquoi d'abord l'Iran ? C'est des questions pratiques de l'ONU. Par exemple, un membre de notre convention est déjà là. Alors c'est plus pratique d'y aller, le retrouver là-bas et après ça, aller tous en Irak. Imparable. Le côté pratique est imparable et a le mérite d'être compris par tous en un instant. Alors que la politique est souvent perçue comme lointaine et obscure, ces petits détails, des petits détails comme le côté pratique, la font se rapprocher de nous, nous la rend plus familière. On aurait presque envie de dire sympathique. Est-ce que votre mission signifie que les efforts de la conférence islamique se sont soldés par un échec et qu'il faut trouver une autre manière d'envisager une négociation entre l'Iran et l'Irak ? Ah non, c'est bien important que tout le monde essaye de trouver les moyens d'arriver à la paix. Et seulement, ce sont la conférence islamique et les pays non alignés, mais l'ONU et le secrétaire général peut avoir seulement une mission. Et c'est la... C'est celle-ci. Avant votre départ de New York, vous avez rencontré des responsables iraniens, des responsables irakiens et des responsables de la conférence islamique. Oui. Qui avez-vous rencontré? Oui, différents membres du Conseil de sécurité, de la Ligue arabe et d'autres qui sont intéressés et voulaient m'informer de ces points de vue. Est-ce que vous connaissez les réactions de Bagdad et de Téhéran sur le choix de votre personne pour conduire cette délégation? Oui, elle était. C'était parce que cette réaction était favorable que j'ai dit oui aux demandes du secrétaire général. Vous avez rencontré le président Bani Sadr il y a quelques mois avec oui. le chancelier Kreskri et M. Gonsalves au nom de l'International Socialiste. Vous étiez oui. à ce moment-là à Téhéran. Et vous avez été de ceux qui insistent sur la nécessité de ne pas isoler Téhéran. Oui. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que cette première étape commence par l'Iran? Est-ce que c'est parce que vous avez de bonnes relations personnelles avec les responsables iraniens? Non, c'est pas ça, mais peut-être c'est pour cela que les responsables iraniens m'ont accepté mon nom, n'est-ce pas, ma personne, pour cette mission. Mais le choix, si on irait à un pays d'abord ou pas, c'est vraiment pas pour nous une question importante, c'est tout à fait une question pratique. Donc, important à retenir quand des négociations entamées par d'autres échouent, ne pas parler d'échec. La politique est trop pleine de rancuniers et cela peut à tout moment vous rebondir à la figure. En revanche, insistez sur l'aspect pratique comme communication essentielle à faire passer, autrement dit, on arrondit les angles le plus possible. Car on va l'entendre, certaines missions diplomatiques sont placées dans une relative incertitude quant au planning. Est-ce que vous allez rencontrer le président Bani Sadr? J'espère que oui. Vous ne savez pas encore qui vous allez rencontrer? Non, mais normalement, il faut rencontrer le président et j'espère qu'on le verra bientôt. Est-ce que vous vous rendrez directement de Téhéran à Bagdad? Oui, avec il faut aller à Amman, je crois, d'Amman à Bagdad. Donc c'est simplement un problème d'itinéraire, ce n'est pas politique l'escale à Amman. Oui. C'est simplement un problème d'itinéraire. Seulement un problème d'itinéraire. Voilà, toujours ce côté pratique, essentiellement pratique. Doit-on voir forcément là des couleuvres à avaler ou des difficultés bien justifiées à risquer d'en dire trop? Olof Palme est un animal politique qui sait par expérience que dans son domaine, les choses sont affaires de doigté. Mais on ne saurait réduire Olof Palme à ce raccourci-là, au contraire, c'est en politique un homme décidément bien à part. En 1985, il revient donc au pouvoir et remet en place sa politique de l'État-providence. Les sociodémocrates gardent le pouvoir, ils demeurent un parti particulièrement puissant avec près de 45% des suffrages, mais ils sortent quand même affaiblis de ces élections. Olof Palme va maintenant former début octobre un nouveau gouvernement minoritaire qui devra trouver nécessairement un soutien sur sa droite ou sur sa gauche pour faire approuver ses propositions par le Parlement. Le déficit croissant de la balance des paiements cette année et l'augmentation de la dette extérieure imposent des mesures d'austérité dans les mois qui viennent et sans doute des limitations du pouvoir d'achat. On voit mal les députés communistes approuver ces tours de vis. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que le Premier ministre se tourne vers les libéraux et que l'on assiste à une décrispation de la vie politique suédoise, une décrispation qui est d'ailleurs souhaitée par une grande partie de l'opinion. De toute façon, il devra faire preuve de beaucoup d'habileté au cours de la prochaine législature pour éviter d'être renversé. Olof Palme a rappelé hier soir que depuis 1932, les sociodémocrates avaient en tout et pour tout gouverné la Suède pendant 47 ans et que pendant 42 ans, ils l'avaient fait à la tête d'un cabinet minoritaire. Il a ajouté que sa main était tendue et qu'il n'écartait pas un rapprochement dans les travaux parlementaires avec les libéraux. À ses yeux, le plus important est d'avoir remporté la bataille de l'État-providence contre les conservateurs. Les électeurs, a-t-il ajouté, ont montré par leur vote qu'ils restaient attachés au système de couverture sociale en vigueur et que le fameux modèle suédois avait résisté aux assauts de ceux qui voulaient le démanteler. Et voici un folk suédois enregistré en 1960. Erika Johansson interprète Lille Hans. Lille Hans sprang ner till stranden för att samla snäckor små. I den heta djupa sanden måste han barfota gå. Tåren glänste i hans ögon, han så trött och hungrig var. Emot solen strålar föga, skylde trasorna han bar. Där i låga fiskar i kojan modern sitter med det små. Svårt att bära tunga bojor, fattigdomen tränger på. Gud hon bidrar sig förbarma, far han drunknade igår. Giv åt mamma, giv oss arma, brud och Gud och fader vår. Lille Hans i bittra sorgen blev ej lämnad eller glömd. Där bland muslarna i korgen låg en dyrbar pärla gömd. Snäckans gåva den beskärde både penningar och bröd. Lilla Hans gick därav lärde att Gud hjälper i all nöd. Chapitre 4. Un champion de l'État-providence. Mais qu'est-ce au fond que cet État-providence ? Pour François-Xavier Mérien, directeur de l'Institut des sciences sociales et pédagogiques de l'Université de Lausanne, il y a plusieurs modèles disponibles en rayonnage. On distingue trois grands modèles. Le modèle bismarckien d'abord, qui existe en Allemagne bien sûr et en partie en France. C'est un système d'assurance sociale généralisé qui s'appuie sur les cotisations sociales payées par les salariés et les employeurs. Il inclut un principe de solidarité qui veut que les jeunes payent pour les vieux, les bien portants pour les malades, etc. Mais, sauf en matière de santé, ce système est assez peu redistributif car les prestations sociales sont en partie basées sur les revenus des cotisants. Deuxième type, le modèle scandinave, dont l'exemple le plus connu est la Suède. Contrairement au système précédent, il n'est pas fondé sur le travail, mais sur la citoyenneté. La protection sociale y est considérée comme un droit pour tous les citoyens. Le financement repose surtout sur l'impôt, ce qui le rend beaucoup plus redistributif. D'autant que les prestations sociales sont calculées selon des standards généreux et qu'existent de nombreux services publics financés en dehors des marchés. Le troisième modèle, qui hélas, selon François-Xavier Mérien, sera peut-être notre avenir, c'est celui de l'État-providence minimale, dont les États-Unis sont la meilleure illustration. En fait, ce n'est rien d'autre que les lois des pauvres du 19e siècle remises au goût du jour. Le principe de base, on le sait tous, c'est le marché. Sous-entendu, tout le monde est capable de trouver sa place sur le marché. L'assistance doit demeurer résiduelle et sous condition de ressources. Après les différentes crises économiques, la Suède va devoir serrer les boulons et négocier sa politique avec habileté, car les temps ont changé et l'économie, désormais, est prédominante. Mais Olof Palme ne va guère avoir le temps de s'y installer. 6 mois après sa deuxième arrivée au pouvoir, il est assassiné. La mort d'Olof Palme a été reçue comme un choc par les Suédois. Personne ne soupçonnait que semblable attentat pouvait survenir, surtout ici. La preuve, c'est que le premier ministre suédois s'est rendu au cinéma, en famille, accompagné de sa femme et d'un de ses fils, comme un citoyen ordinaire, sans escorte, sans garde du corps. Et c'est en sortant du cinéma dans le centre de Stockholm qu'un homme s'est approché du premier ministre et lui a tiré une balle dans le dos. Sa femme était d'ailleurs légèrement blessée. Il était alors 23h30. Un chauffeur de taxi était témoin de l'attentat et avertissait aussitôt la police. Mais l'assassin avait eu le temps de prendre le large. L'assassinat a lieu le 28 février 1986. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas le nom de l'assassin d'Olof Palme. Demain, les premiers éléments de l'enquête autour d'un homme cerné d'un grand nombre d'ennemis. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Alain Freudiger. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine, Danielle Zacker. Une émission de Jean Leclerc. Nous vous disons à demain pour d'autres chapitres. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.